les hommes abîmés. Dans le but de sensibiliser la population, il est régulièrement fait état des intolérables violences conjugales qui sont faites aux femmes. De la même manière, il serait juste d'évoquer la souffrance invisible des hommes, certes moins nombreux, qui se terrent victimes de conjointes qui, après les avoir mis sous emprise psychologique, finissent tôt ou tard par les agresser physiquement. Ce sujet est complexe et malheureusement encore tabou. En effet, l'entourage est fréquemment aveugle ou dans le déni, car l'insoutenable virilité est considérée contre nature, en partie parce que cela prouve qu'il n'y a pas besoin de force physique pour dominer autrui. Il est d'ailleurs difficile d'imaginer une frêle créature, généralement fort sympathique, se métamorphoser en cruel tortionnaire dans l'intimité. Cet état de choses mène à l'enlisement de cette douloureuse situation, laquelle s'explique notamment par le fait que ces pauvres gars sont dans l'incapacité d'en parler à qui que ce soit. Comment trouver le courage d'avouer à un frère ou un ami que la femme avec qui ils ont choisi de partager leur vie est en réalité une perfide tortionnaire? D'autant plus qu'ils ont honte et que leur virilité se trouve forcément remise en question parce qu'ils devraient être en mesure de se défendre, alors qu'ils en sont totalement incapables. Plus le temps passe, moins ils ont la force de se révolter, pris au piège dans les mailles d'un filet pervers qui les empêche de raisonner de manière constructive. Machiavélique, il leur est facile de duper l'entourage, le visage social de ces mégères étant totalement différent de leur vraie personnalité. Entre autres bassesses, ces femmes font souvent pression en menaçant les soumis de les priver de leurs droits parentaux. Cette arme fatale fait malheureusement mouche à tous les coups. Ces hommes brisés finissent par être persuadés de ne plus être bons à rien et se trouvent dans un labyrinthe où il leur est impossible de percevoir une issue. Les victimes vivent-elles des robots? Leurs âmes se sont consumées en toute discrétion, puisqu'ils ont appris à cacher leur désarroi tout en acceptant leur châtiment, persuadés qu'il s'agit là de leur destin. L'humiliation des coups les affaiblit psychiquement. Néanmoins, vu de l'extérieur, les couples paraissent épanouis, car tout est orchestré de manière à duper l'environnement qui n'y voit que du feu, embrouillé par les faux-semblants. C'est ainsi que, de scènes de ménage en crise de jalousie, les années passent, l'impossible devient la norme et le bonheur un lointain souvenir. C'était Evan Matisse et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.